Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Guémozo 107 FM. Vous pouvez également nous écouter en streaming depuis notre site internet www.radioguémozo.fr. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans la bulle Charlotte Scheyer et ses amis. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? C'est cool, merci de ton invitation. Mais c'est moi qui vous remercie d'être là. Alors, qui est présent aujourd'hui avec nous? C'est moi, je prends la parole pour faire la présentation de la guilde Angélique Morville, donc praticienne qui se présentera et qui sera présente sur l'événement qu'on vient présenter. La droite, Hervé. Juste un peu plus loin, Sylvie et puis Julien. Ben bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle ensemble d'un événement qui aura lieu prochainement et auquel vous participerez tous. On verra à la suite de cette émission quel sera votre rôle et ce que vous proposerez à ce moment-là. Alors il s'agit des journées bien-être grandeur nature le week-end du 18 et 19 mai à partir de 10h à Les Voivres, c'est ça? C'est ça. Ok, j'ai tout juste jusque-là. Alors, je cite, c'était tellement bien écrit que je ne peux pas dire autrement. Curieux de nature, passionné de liens, amoureux du vivant, rallumeur d'étoiles, pèlerin en transition, facilitateur de reconnexion, féru de liberté, philosophe, poète, visionnaire, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, on vous attend le week-end du 18 et 19 mai pour ces journées du bien-être grandeur nature. Alors, c'est l'association La Magie d'être soi dont tu es présidente Charlotte qui organise cet événement en partenariat avec La Transition d'ici. Vous êtes tous les deux présents, ça tombe bien. On va parler un petit peu peut-être de ces associations pour commencer. Allez Julien, tu commences. Ok, très bien. J'ai la joie de pouvoir présenter l'association La Transition d'ici. Pour rappeler rapidement, La Transition d'ici a été créée il y a maintenant 4 ans. Sur le modèle de la transition créée par Rob Hopkins, qui voit aujourd'hui est très très connu d'ailleurs, et il y a beaucoup d'associations de ce type qui se créent localement, bien sûr, parce que c'est toujours une association locale avec un but de dynamiser le secteur, bien sûr. Il y a une petite particularité pour la transition d'ici qui se trouve à Les Voivres, c'est que dès le départ, l'idée était de faire une transition, bien sûr, extérieure dans notre monde concret, mais bien sûr, pour cela, il faut déjà passer par une transition intérieure. Ça, c'est le plus important et c'est ce qui nous permet d'avoir l'énergie de faire aussi la transition extérieure. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons la joie de pouvoir participer à cet événement et des journées du bien-être qui permettent, justement, de faire une belle transition intérieure pour pouvoir, après, la concrétiser. Donc, pour en revenir à la transition d'ici à Les Voivres, nous avons bien plusieurs activités dans le domaine, bien sûr, concret. Je vais les citer rapidement. Ça sera nous organisons des événements comme par exemple les bourses aux plantes. Pour dynamiser un peu le village et bien sûr favoriser les rencontres. D'accord. Nous avons fait sur chaque année plusieurs festivals. Encore agrandir ces rencontres et dynamiser le lieu. Et donc cette année, ça sera en partenariat avec l'association LADES où nous allons faire les journées du bien-être. D'accord. Pour la transition, nous avons prévu de participer avec un programme particulier qui serait de favoriser les rencontres des gens et de préparer des cafés-débats. Ah, c'est chouette ça. Rencontres citoyennes. On va utiliser ce week-end-là pour dynamiser ce mouvement en faisant rencontrer les gens pour qu'ils puissent lancer ce mouvement et proposer leur idée. Notre philosophie, c'est que ce n'est pas à nous de proposer quelque chose ou dans le sens d'imposer, mais justement que ce soit les gens qui viennent et qui, eux, proposent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent voir comme avenir, comme changement, et que c'est eux qui proposent les idées pour pouvoir lancer des débats citoyens et les faire vivre. Ça, c'est chouette. Soyons créateurs du monde dans lequel on vit. C'est bien d'apporter ces idées. Voilà. Et bien sûr aussi, ce que je n'ai pas encore dit tout à l'heure, c'est que la transition propose aussi une gratuiterie. Oui. Qui sera bien sûr présente. D'accord. Qui permettra de donner des objets pour ceux qui ne s'en servent plus et pour ceux qui en ont besoin, de les prendre gratuitement, sans aucune contrepartie. Ça, c'est super chouette comme idée. Et ça fonctionne très bien, en plus. Ça fonctionne bien, ça, c'est sûr. Il me semble. Et puis, stop au gaspillage. Voilà, on a tous besoin de quelque chose qui pourrait être au voisin et dont il ne se sert pas. Et ça, c'est vraiment bien. Puis en plus, ça crée un petit peu de la cohésion, du lien entre des personnes qui ne se connaissent pas. Et je pense que là, c'est bien le but de ce que vous proposez. Et ça, c'est chouette. Charlotte, à nous. Oui, donc je voudrais présenter l'événement, les Journées du Bien-être. C'est pour nous un événement. C'est surtout une invitation multifacette. Dans un premier temps, c'est la reconnexion à soi et aux autres et à la nature. Donc du coup, pour ça, on a souhaité faire cet événement dans un lieu magique, un lieu particulier, oui, vraiment accueillant, où, pour ceux qui connaissent déjà, c'est le site de l'étang l'Allemand, qui se trouve à Lévoir, un petit village bien connu, tout près de Bain-les-Bains, à 3 km de Bain-les-Bains. Oui. Et dans ce lieu-là, si on s'y perd, on peut aussi s'y retrouver au fil de toutes les balades possibles à y faire. Et c'est notre but, voilà, se reconnecter dans plein de propositions. Donc, ce lieu enchanteur où vous pourrez découvrir, en y venant, voilà, vous allez passer devant le camp Palette. Ensuite, il y a le camp des yourtes. Et puis là, il y a tout notre univers avec un bel abri, l'abri d'ici. Où il y aura un peu plus haut, dans les chalets en bois cordé, des conférences et des ateliers. Encore un petit peu plus loin, une magnifique clairière où Hervé vous y attendra, un fort de propositions. Et tout ce lieu, voilà, un peu plus loin, on a des balades qui seront proposées avec le Yogi Walkie, la Sofro, balade Sofro avec Sylvie. Enfin, il y a plein de choses. Je ne pourrais pas citer tous les intervenants, mais je pourrais vous donner une idée de tout, globalement, de ce qu'on va pouvoir y trouver. On gardera des surprises, bien entendu, pour que les gens aient envie de venir. Oui, oui, oui. Et en famille. C'est, l'invitation, elle est aussi dans le sens se connecter à la nature, à l'univers, à la famille, voilà. Ça passe par là. On est intergénérationnel dans ces journées bien-être, grandeur, nature. C'est la première fois qu'un événement comme ça a lieu. Julien, tu nous disais que la transition d'ici avait déjà organisé des événements, c'était déjà sur ce lieu-là, mais pas en partenariat avec les deux associations, c'est ça ? Alors oui, effectivement, c'est pas le premier événement, mais ça fait maintenant... 3 ans que donc 3 festivals organisés par la transition d'ici. Oui. Bon, il faut dire aussi que le tout premier festival avait été initié déjà par Charlotte, et qui avait déjà à l'époque infusé beaucoup de belles idées qu'on retrouve donc dans les journées du bien-être, bien sûr. C'est pour ça que là, c'est vraiment agréable que ce soit en partenariat sur cette proposition-là. Et voilà, du coup, oui, on développe le concept. Ça, c'est super. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de l'association La Magie d'être soi ? Oui, bien sûr. Donc, La Magie d'être soi, c'est une association qui promeut, qui facilite, on va dire, de découvrir toutes les techniques de bien-être. De bien-être, de mieux-être, en reconnexion avec soi, la nature, tout ce qui est du point de vue écologique, pas seulement l'écologie extérieure, mais l'écologie intérieure. C'est en ça qu'on se rejoint avec la transition d'ici, qui facilite aussi une transition intérieure. Et donc voilà, elle est un petit peu plus récente, cette association-là, mais force de proposition aussi qu'on pourra découvrir aussi sur... des journées du bien-être. Et bien entendu. Donc il y aura beaucoup d'intervenants, combien à peu près Alors là, on a déjà plus d'une trentaine d'intervenants. On a une quinzaine de conférences, et une oui. quinzaine d'ateliers. Dans les ateliers, donc on va, j'ai compté aussi voilà, les balades sophro, les jeux coopératifs avec le MAN, les parcours pieds nus. C'est chouette ça. La sylvothérapie, la clairière du bien-être, tout ce qui nous permet de nous reconnecter. Hein, ça passe par l'art-thérapie, tout ce qui permet aussi voilà, d'être plus en adéquation donc, avec l'environnement. Donc ça passe aussi par tout ce qu'on peut envisager dans la nature. Hervé nous parlera aussi de ses propositions puisqu'il est là. On ne peut pas donner tous les noms des gens qui viendront à proposer des choses, mais en tout cas, on a la chance d'avoir des gens ici dans le studio qui, justement, vont en proposer. Alors, on commence par toi, Hervé, c'est ça ? Ouais, bonjour. Bonjour. Dis-nous tout. Alors, qu'est-ce que tu vas proposer ? Alors, moi, je suis instructeur en survie. D'accord. Donc, ça fait, c'est la septième année maintenant que je me suis lancé là-dedans. C'est une activité passion. Oui. Puisque je suis un ancien militaire, un peu breveté commando, etc. Donc, j'avais déjà quelques outils au départ. Et puis, vraiment, je suis attiré par ça. Et puis, bien sûr, je suis quelqu'un de nature, forêt. Et donc, le lien est vite établi. Oui. Entre mes activités et la forêt et la nature tout court. Donc, je propose, moi, des sorties ludiques, le plus souvent. D'accord. Que ce soit pour les familles ou les amis, puisque j'organise beaucoup d'enterrements de vie de célibataire. Ah oui. Donc j'ai eu des groupes que de filles ou des groupes que de garçons. D'accord. Et c'est assez sympa. Donc j'amène beaucoup, on va dire instruction, hein, beaucoup d'informations et d'outils pour se reconnecter un petit peu avec une autre vie, une autre forme d'existence, hein, on va rester très, très humble. Simplement, il y a une énorme demande pour se reconnecter effectivement à cette nature. Ça, c'est vrai. Et on est un peu seul au monde quand on est au milieu de la forêt, même si on est un groupe de 8-10 personnes, on est entre nous. Oui. Et il y a une espèce de symbiose qui se crée, etc., autour d'apprentissage. Je reste très, très concret, bien évidemment. Alors moi, j'enseigne, par exemple, la gestion de l'eau. D'accord. Purifier de l'eau, trouver de l'eau, déjà. Oui, ça, c'est important. La purifier, la rendre consommable. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, bah, vous êtes chez vous, vous tournez le robinet et vous avez l'eau qui coule. D'accord. Maintenant que vous êtes en nature, bah, il faut quand même qu'on puisse la boire. Donc il y a plein d'outils. D'accord. Et puis ça commence par ça, parce que l'eau c'est la vie. Oui. On peut, un petit chiffre, hein, on peut survivre 3 semaines sans manger. Oui. Mais à peine 3 jours sans boire. Oui. D'accord. Oui. Donc la priorité elle est là. Voilà. C'est très important. Donc c'est un petit peu, ça fait partie, on va pas faire un cours aujourd'hui. Donc vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez l'apprentissage des nœuds. Oui. Et puis après, on tend des cordes au-dessus des rivières. On passe au-dessus de la rivière sans se mouiller. Ouais. On apprend à faire des abris de fortune ou un peu plus élaborés. Et puis après, s'orienter. Donc voilà, apprentissage, lecture d'une carte d'orientation, etc. Il y a tellement d'informations qu'on passe à côté. Mm-hmm. Donc je fais un petit rappel là-dessus. Utilisation de la boussole. Donc allez voir, ça sera l'occasion un petit peu de mettre en application, de faire un petit jeu de piste. Ah, c'est chouette ça. Voilà, donc j'invite bien évidemment les familles à venir parce que ça c'est un travail de famille. Eh oui, voilà, oui. Papa, maman, les enfants, etc. Allez, le premier qui trouve a gagné, d'accord. Surtout s'il y a à manger au bout. Ça resserre les liens quand tu rencontres des groupes comme ça, vous Moi, partez en expédition. Je suis bluffé à chaque fois. Ah oui. Je suis bluffé parce que ce soit des amis. Bon, vous avez un enterrement de vie de garçon, vous avez des gens qui viennent de Paris, de Franche-Comté, d'Alsace, etc. Et ils viennent là, ils ne se connaissent pas tous puisque ce sont les amis ou la famille ah oui. du futur marié qui oui, viennent oui. et ils se connectent à cet endroit-là. Voilà. Et puis, on s'aperçoit au bout de quelques heures seulement que moi, j'ai déjà tracé un jeu de piste. Hein, la nourriture, elle est quelque part dans la forêt. Je leur donne les infos pour aller la trouver. À eux de la trouver. Et d'accord. je leur explique. Oui, d'accord. Pas trouver, pas manger. D'accord. On y mange. c'est pas caché. Alors, je leur donne les outils pour trouver. C'est un jeu de piste qui est assez sympa. Et je fais la même chose avec les familles. D'accord. Bien souvent, les familles, je fais ça sur une petite distance avec d'autres outils, etc., d'orientation. Mais c'est assez sympa. C'est assez sympa. Et on voit les enfants qui ont tendance à suivre papa, parce que papa, il connaît. Et en fait, papa, il se trompe. Ah ben voilà. Et maman, ça elle trouve. Ça casse le mythe. Parce qu'elle a appliqué ça, la méthode. Et les enfants reviennent vers maman en disant « Maman, C'est toi la plus forte. Donc, moi, j'y trouve beaucoup de plaisir et je pense que le plaisir, je le partage avec les gens avec qui je suis dans la forêt. Ça se sent. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que les gens peuvent encore vivre sans confort ? Ben, en tout cas, moi, je leur explique qu'on peut le faire. Le confort, vous savez, c'est vrai qu'on s'y habitue. Quand on parle de survie, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Et oui. Sortir de sa zone de confort, vous savez, à partir du moment où vous dites « on ne mange pas à midi », pour certains, c'est la fin du monde. C'est vrai. D'accord ? Surtout qu'en fait, on a juste une horloge biologique. Oui. À midi, le réveil sonne dans l'estomac, il faut manger. Et on s'aperçoit en fin de compte que si on a loupé l'heure du repas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, à 15h, j'ai oublié de manger. Mais on a moins faim à 15h, c'est juste que le réveil est passé. Oui. Donc, c'est apprendre un petit peu à gérer son énergie. Parce que quand on n'a pas à manger, on a moins d'énergie, on a moins de calories à dépenser, etc. Donc c'est tout dans l'économie, c'est tout dans la gestion, c'est tout dans le mental, etc. Et dans la concentration sur l'activité à laquelle on est lié. J'essaye justement de proposer ces outils-là sans tomber dans la parano, la mytho. Parce qu'en fait, je ne suis pas là, salut, c'est le scénario de fin du monde. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des catastrophes naturelles tous les jours. On a des tempêtes, on a des attentats. Hein. J'amène aussi le secourisme en milieu isolé, d'accord ? Savoir se débrouiller. Quand vous passez un diplôme, je suis instructeur de secourisme, mais quand vous passez un PSC1, que vous dites « je fais ci, je fais ça, j'appelle les secours », et l'instructeur dit « les secours arrivent et prennent en charge la victime ». C'est faux ! Dans la forêt, c'est faux ! Oui. Vous n'avez plus de batterie, vous n'avez pas appelé les secours. Vous n'avez pas pu appeler les secours. Gérez ça. Oui. Mais là, ça, il faut savoir le faire. On n'est pas loin de la survie. Oui, ça, c'est quand, vrai. À Gérardmer, il y a 6 ans, il y a eu la tempête où la forêt s'est couchée. Vous êtes allé à quelques kilomètres sur l'X7 au-dessus, en famille, et que la forêt est couchée. Que les pompiers de Grange-sur-Vologne mettent 5 heures pour venir à Gérardmer. Ah oui. Vous n'êtes pas prêt d'être secouru. Oui, c'est vrai. D'accord ? Donc, j'apprends aux gens à confectionner un petit sac, même pour une balade de 2 heures. Oui. Et puis d'avoir tout ce qu'il faut pour faire un petit abri, un petit feu, avoir donné un peu d'eau, surtout si on est avec mamie ou bébé. Oui. Et qu'il faut rassurer tout le monde. Ça, c'est vrai. Porter les premiers soins. Alors, c'est ça le truc. Voilà, c'est donner des outils. Quand on a l'habitude d'avoir chez soi la trousse à pharmacie, on a le téléphone, on a l'eau, on a le confort, ben là, on est sorti tout de suite de sa zone de confort et puis il faut savoir se débrouiller. C'est vrai. Et les gens kiffent, comme on dit. Ah ben ça, c'est sûr, j'imagine. En plus, j'imagine qu'on est en parfaite symbiose avec la nature. Là, on respecte totalement les... Ça, c'est important, effectivement. Faire la survie en nature, c'est pas lutter contre la nature, c'est vivre avec. C'est ça. En harmonie, c'est elle qui décide. S'il y a une tempête, c'est parce que c'était prévu comme ça. Voilà. Donc, à vous de vous adapter à ce qui se passe dans la nature. Voilà. Vous avez le respect des animaux. On ne fait pas des grands feux. On fait des petits feux qui sont ultra gérables. Bien évidemment, il y a toujours les arrêtés qui disent interdiction de faire du feu. D'accord ? Je ne brave pas les interdits. L'année dernière, il y avait un arrêté préfectoral. On n'avait même plus le droit de fumer en forêt. Ah oui. D'accord ? C'est normal. On s'adapte. On s'adapte. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de faire confectionner une espèce de gros réceptacle pour faire des feux dedans pour ne pas brûler les sols. D'accord. Parce qu'un feu brûle en profondeur. Vous abîmez les sols. Oui, voilà. Oui. Il y a les fumées qui se dégagent. Bon. Depuis la nuit des temps, l'homme a fait des feux. Oui. S'il n'y avait pas eu de feu, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui pour en parler. D'accord ? Ou peut-être pas dans les mêmes conditions. Pas dans les mêmes conditions. On aurait plus de poils. Voilà. On essaye d'être éco-responsable. On est éco-responsable. C'est vrai. Donc, moi, je trouve des bouteilles en plastique dans la forêt, mais je sais les utiliser. D'accord, on peut utiliser aussi les déchets. Je peux utiliser les bouteilles, et je ne veux pas vous faire un cours aujourd'hui, je vais pas prendre le truc. Avec des bouteilles en plastique, on peut faire plein de choses pour survivre. D'accord. Chauffer de l'eau. Avec une bouteille en plastique. On retrouvera tout ça au sein des journées bien-être, grandeur, nature. Vous pourrez retrouver Hervé et voilà, et toutes ces instructions pour faire de la survie, entre guillemets. Alors j'imagine aussi que les gens, ils sont amenés à se recentrer sur eux-mêmes, à être beaucoup plus à l'écoute de leur corps, justement, parce que quand on mange moins, il faut s'autogérer, etc. Mais c'est aussi un moment où, voilà, on apaise son mental, on est en pleine nature, ou voilà, peut-être qu'on peut un peu réfléchir sur toute sa vie, peut-être. On vit à l'horloge, non pas la pendule qui est dans la cuisine, mais on vit avec les heures du jour et de la nuit. C'est vrai. D'accord, il n'y a pas la télé le soir. Je veux dire, quand il fait nuit, il faut retrouver votre abri. Ben, va falloir, bon, on a la petite conversation autour du feu, mais oui, on change son rythme de vie. Mmh. On change sa façon de penser. Et puis, dès l'instant que vous êtes couché dans la forêt, vous n'avez pas le silence. C'est, c'est le vent dans les arbres. C'est les chevreuils en rut. C'est le brame du cerf. C'est les oiseaux dès les premières lueurs du matin. C'est un brouhaha et c'est une cacophonie. Mais c'est tellement magique que voilà. Oui. Et on vit à ce rythme-là. On ne peut pas imposer ça à ce qu'il y a dans la nature. Ouais. C'est à nous de nous adapter. Et c'est un autre rythme. Et ça change en plus sa vision des choses. Une fois rentré à la maison, on se rend compte que peut-être il y a des gestes dont peut-être on peut se passer. Voilà, des choses qu'on n'est plus obligé de faire. Exactement. Éteignez vos télés. Voilà, c'était mon message personnel. Charlotte, où tu nous as trouvé cet homme-là? Mais oui, ça pourrait être une longue histoire. Mais l'idée, oui, l'idée, c'est l'objectif commun, c'est ce rendez-vous qu'on vous donne pour que vous aussi, après avoir vécu ces petites reconnexions grâce à nos spécialistes, chacun puisse se dire, mais c'est essentiel d'être attentif à se reconnecter régulièrement, retourner, se ressourcer dans la nature. Et oui, ça c'est vrai. Et je pense que voilà, si vous allez au sein de ces journées bien-être, grandeur nature, et bien, vous découvrirez quelque chose de merveilleux et vraiment autre chose que votre zone de confort et vraiment pour votre plus grand plaisir, croyez-moi. Hein, oui, c'est tout à fait ça. On va faire en sorte. On a déjà plein de propositions pour vous faire découvrir. Tout le monde rentrera chez lui le soir, il n'y a pas de problème. Voilà, mais des oui. Pratiques préventives, alternatives, complémentaires, qui ont des répercussions positives donc sur nous, sur notre qualité de vie et sur l'environnement. Et puis, on n'est pas obligé de rentrer chez soi. On a aussi la possibilité de camper et de vraiment baigner dans ce bain de verdure, de forêt. Et je rebondis tout de suite là-dessus en disant que moi, je propose une nuit sur place, parce que j'ai les grandes toiles de tente de marque norvégienne. et je propose éventuellement une dizaine de places pour c'est dormir pris. En des grandes yourtes, en fait, okay. Sont posés sur place, donc il y aura moyen de dormir C'est génial. Sur place le soir. C'est génial. Et en plus, là, le lien sera encore vraiment plus présent. Hein. Les gens qui ne se connaîtront pas, encore une fois, sont amenés à partager des moments. Et ça aussi, parfois, pour certains, c'est sortir de sa zone de confort. Hein. Aller à la rencontre de gens qu'on ne connaît pas, parfois, c'est un peu difficile. Et là, quand on se rend compte, une fois qu'on y est, que tout va bien. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est bien de le dire parce que c'est cette magie-là aussi à laquelle on vous invite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se rencontre, il naît toujours quelque chose de cette rencontre. Et c'est toujours un début, un démarrage de quelque chose qui nous fait aller toujours dans le sens de la construction d'un monde meilleur, plus humain. Quel bonheur. Et ce n'est pas une utopie, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on se lance dans une première bulle de son avant de revenir vers nos autres invités et ce qu'ils proposeront au sein de ces journées bien-être grandeur naturelle et voir le week-end du 18 et 19 mai à partir de 10h et vous pouvez même rester sur place, ça c'est super. On se lance donc dans Nino Ferrer et le Sud que nous a proposé Charlotte, non pas pour sa situation géographique mais bien pour la féerie de cette chanson qu'elle a trouvée impeccable par rapport au thème d'aujourd'hui. Donc on est écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Thank you. se roule sur la pelouse. Y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. Vous êtes toujours avec nous sur Radio Guémozo et aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'invités dans les studios et pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, Charlotte et tous ses amis, Angélique, Hervé, Sylvie et Julien sont venus nous parler eh bien, des journées bien-être grandeur nature qui auront bien lieu le 18 et 19 mai. Hein. Et bien sûr, tout le monde est bienvenu et tout ça est gratuit. Hein, c'est ça, c'est très important de le dire. Voilà, ce n'est pas payant. Vous pouvez venir découvrir plein de choses. Hein. Il y aura des conférences, des ateliers. Et j'ai cru entendre un parcours pieds nus. Qui nous propose un parcours pieds nus? Alors, il y aura un parcours pieds nus qui va être signalisé. Après, donc je pourrais en parler. Moi, je propose aussi le yogi walking. Donc, oui. C'est un concept novateur qui allie à la fois les bienfaits du yoga, les bienfaits de la marche et de la sylvothérapie. Et oui. À certains moments, j'invite à se déchausser pour une véritable reconnexion, voilà. Oui, ça c'est important. Sensoriel. Mais je ne suis pas la seule à proposer le parcours pieds nus. Il n'y aura plus de neige le 18. On peut faire un point peut-être sur la sylvothérapie, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce terme. Souvent, on pense à embrasser des arbres. Quand j'entends les gens, ah, sylvothérapie, oui, mais pas que. Hein. C'est-à-dire que on se rend sensible et on se permet d'être touché, nourri par tout ce qui nous entoure, les couleurs de la nature. C'est vivant, vibrant, et ça nous imprègne. En gros, ça nous fait du bien et c'est ce qu'on retrouve sur l'affiche. C'est vraiment une invitation à faire le plein de vitamine V. Voilà, la sylvothérapie, ça permet ça aussi. Ah bah, c'est chouette. Alors, on se tourne tout de suite eh bien, vers Sylvie qui nous propose aussi des choses pour ces journées de bien-être. Oui. Qu'est-ce que tu proposes, Sylvie? Alors, ce que je vais proposer, ce sont des sophro-balades donc, dans la nature, puisque je suis sophrologue. Donc, ces balades ont pour but de se reconnecter à soi. D'accord. Et puis se reconnecter aussi justement à la nature. Donc, on fait des marches douces qui s'adaptent à tout le monde, aussi bien pour les enfants comme pour les adultes. Et puis, ça permet de pouvoir aussi rencontrer des gens qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet aussi de partager des moments sympas. Donc, c'est vraiment une petite bulle, en fait, quoi, hein, dans laquelle on va pouvoir se mettre et se rassurer et être en toute confiance. Voilà. Donc, dans ces sophrobalades, je propose principalement de vivre vraiment l'instant présent, donc vraiment en pleine conscience de ce qui nous entoure, mais avant tout de soi. Hein, comment mon corps se situe, comment mon corps bouge, comment je marche, parce que ça, on sait comment tous on marche, on pense qu'on sait. Mais vraiment, comment je pose mon pied, comment il se déplie, comment j'avance, et ce que je ressens à l'intérieur de mon corps. Donc ça peut aussi m'arriver justement de proposer aussi de faire ce petit test de marche en pleine conscience, pieds nus aussi, oui. Parce que les sensations vont être complètement différentes. Ah ben oui. Voilà. C'est sûr. Donc, je vais permettre d'utiliser principalement les cinq sens, hein, puisque c'est vraiment écouter tout ce qui nous entoure, prendre le temps, et aussi de prendre surtout le temps de ce que cela nous fait, nous procure. Est-ce que ça nous procure des sensations très agréables ? Voilà, ça va vraiment être se reconnecter vraiment à soi, essayer d'aller au plus profond de soi pour voir ce que ça nous fait réellement, et le plaisir qu'on peut en tirer, et le bien-être, puisque oui. Là, automatiquement, on se retrouve avec soi-même. On se rencontre. Mais ça, voilà. C'est beau. Comment un jour tu as allié la sophrologie et la marche ? Est-ce que c'est une idée vraiment pour ces journées du bien-être ou tu les proposes déjà ? Alors non, je les propose. C'est ce qui m'a d'ailleurs... j'ai rencontré une sophrologue qui exerçait justement déjà ses sophros balades nature. Et moi qui suis une passionnée de la nature, puisque j'habite sur le plateau des Mille Étangs. D'accord. Donc pas loin d'ici. Et je suis entourée de la nature. J'ai toujours été passionnée. J'adore. C'est là où je peux me ressourcer moi-même déjà. Et quand j'ai vu qu'on pouvait pratiquer aussi la sophrologie en pleine nature, je me suis dit alors ça... C'est ce que je veux faire. Voilà. Ah donc oui. Là, j'ai vraiment été déjà motivée par ça, parce que je pouvais travailler dans mon milieu naturel. Et le partager, c'est quelque chose de magique pour moi. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Tu fais des exercices en même temps ? Tout à fait. Je propose des pauses. Donc, on va faire de la marche douce, déjà prendre conscience de soi. Comment je respire aussi. Donc, vraiment faire des exercices de respiration. Et puis, petit à petit, je vais proposer des pauses, justement, avec des exercices de sophrologie. Mais également aussi, je peux très bien proposer un petit temps aussi de sylvothérapie où je vais m'adapter vraiment en fonction du lieu dans lequel je me trouve. Et puis, à la fin, j'essaye... à chaque fois, de finir par une visualisation, c'est-à-dire essayer de revivre pour vraiment ancrer en soi, en relaxation, sur un temps de relaxation, revivre le parcours précédent, pour que les gens puissent vraiment ancrer toutes les sensations agréables qu'ils ont pu partager pendant le circuit. Et voilà. En plus, ils garderont ça en eux, ah, voilà, et à chaque moment, peut-être un petit peu délicat, pourront ressortir ce beau souvenir qui pourra les apaiser et fera un petit peu un retour aux sources. Exactement, oui, ça leur fera leur bulle pour après. Voilà. Un coup de stress et hop, je pense à ce moment magique que j'ai vécu et du coup, ça permet de se détendre au niveau corporel, au niveau apaiser le mental aussi. Parce que voilà, c'est bien souvent lui qui nous encombre trop souvent d'ailleurs. Mais bon, il est là, il faut faire avec. On ne combat pas contre non plus soi-même, mais on fait avec soi-même. Et oui. C'est tout un apprentissage, tout ça, et grâce à tous les intervenants et tout ce que vous pourrez découvrir au sein de ces journées, eh bien je pense que voilà, on pourra forcément découvrir quelque chose. Il faut pas avoir peur non plus. Hein, tout ce qui est proposé, voilà, il y en a pour chacun, et je pense que là, c'est vraiment très divers. Hein, vous trouverez forcément chaussures à votre pied, et peut-être que vous pourrez tout essayer même. Est-ce que 2 jours suffiront ? On ne sait pas. Peut-être que tu reproposeras ça l'année prochaine. On verra. Alors, Angélique, est-ce que toi, tu veux nous parler de ce que tu vas proposer au sein des journées ? Oui, donc déjà, ce que je voudrais dire à tous les gens qui vont nous écouter et qui auront envie de venir, c'est simplement donnez-vous l'autorisation de faire un break dans votre vie et de vous accorder 2 jours où vous pouvez venir en famille, effectivement, peu importe le temps, on ne sait pas quel temps il fera d'ici là. Mais vraiment prendre le temps, on dit toujours le même mot, se déconnecter, mais effectivement, on est trop connecté à notre quotidien, on est trop connecté à notre routine, on est trop connecté à nos écrans et nos enfants premiers, mais on est aussi responsable de ce que vivent nos enfants. Donc nous, en tant que parents, on a le devoir et quasiment l'obligation de proposer à nos enfants d'autres choses que les écrans à n'en plus finir. Vivez dans le monde réel. Donc voilà, c'était juste un aparté et vraiment se donner l'autorisation et se faire plaisir et venir nous rencontrer. Donc effectivement, on propose énormément d'activités, énormément de soins tournés autour du bien-être. Et encore une fois, c'est que les gens doivent tout essayer parce qu'aujourd'hui, quand on ne connaît pas vraiment les techniques de thérapie ou de soins énergétiques, c'est aussi prendre le temps de découvrir et que chacun trouve la technique qui lui correspond en fonction de ce dont il a besoin, de ce qu'il attend. Et donc, effectivement, moi, je propose de faire des soins access, donc access bar, qui est une technique d'énergétique, où on met les doigts sur la tête des gens et on les aide à se déconnecter, encore une fois, à comment dire, se mettre dans un état de détente et de relaxation. On n'est pas là pour soigner les gens, on n'est pas là pour guérir, on est là pour apporter du bien-être. On est là pour les aider à se détendre, les aider à se découvrir, à savoir ce qu'ils ont au fond d'eux. Parce qu'encore une fois, comme le dit Hervé, faire des stages de survie aussi, c'est découvrir de quoi on est capable. Et se dire qu'on n'a pas de limite. Encore une fois, on est des êtres humains, mais si on va au fond de nous-mêmes et si on se met dans des situations en dehors de notre zone de confort, on découvre qu'on a des capacités et des potentiels illimités. Et ça aussi, il faut que les gens en prennent conscience. Donc voilà. Et grâce à Access Bar, que je pratique donc au sein de l'association de l'ADES, hein, et que j'invite les gens à découvrir, c'est vraiment prendre un temps pour soi, se détendre, se relaxer et au moins se donner encore une fois la permission de vivre ça. Et oui, quand on est parfois un petit peu enterré au fond de ses peurs, de ses doutes, et du coup, on n'ose pas trop aller plus loin. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur, parce que tout ce qu'on vit, eh bien, est là pour une bonne raison déjà. Et puis en plus, voilà, aller vers ces techniques alternatives de bien-être, eh bien, c'est découvrir des potentiels complètement inexploités et complètement inconnus. Mmh. Voilà, se trouver soi-même, c'est prendre confiance en soi, trouver de l'estime et du coup vivre sa vie en complète création, parce exactement. Que on est tous... et surtout le vivre aller voivre dans oui. un cadre quand même magnifique et majestueux où effectivement on va aussi avoir d'autres sources de bien-être à l'extérieur en fait, c'est vrai, donc tout ça c'est porteur pour vous faciliter la vie en fait, c'est tout cet aspect ludique. Hein, on a une force de proposition ludique qui s'adresse aux enfants, à toute la famille. Et on a des petits trucs comme ça sur place. Hein, vous pourrez passer vraiment un bon moment tout le week-end, comme de la restauration bio. Vous allez pouvoir découvrir plein de choses au niveau de la dynamique locale. L'accès est vraiment facilité. On a un dépose-minute, l'hébergement est facilité. Il y a un dépose-minute ? Oui. D'accord, ça c'est chouette. Qu'on met en place. Pour que tout le monde puisse accéder facilement donc, à cet espace. Et puis l'hébergement. Dans les chalets, on peut aussi réserver sa nuit ou ses nuits. On peut aussi dormir sous tente. Avec et Hervé. Dans les tentes, et dans la tente d'Hervé. Voilà, c'est vraiment un partage qu'on a envie de proposer au grand public, à tout le monde. Hein. Donc une belle invitation. Mais oui, ça, c'est très important de partager. On voit que voilà, c'est vraiment fait pour que tout le monde y trouve sa place et vive un beau moment. Et c'est vrai que ce lieu, pour l'avoir déjà fréquenté et vu, est vraiment magique. On est vraiment en dehors de tout. Et là, c'est une reconnexion déjà rien qu'avec le lieu, complète avec la nature. Et franchement, ça amène vraiment un bon plus, un bon premier pas pour ensuite se laisser guider là où on aura envie d'aller. Et puis, vous n'êtes pas obligé de choisir entre plusieurs techniques. Vous pouvez aussi tout faire. Oui, effectivement. Il y aura même une tombola où on proposera des soins. On pourra gagner des soins énergétiques, effectivement. 30 semaines de remise en forme à l'Orange Bleu et 50 séances bien-être de yoga et bien d'autres choses, c'est ça ? Oui, exactement. C'est, ouais. Dont des soins access bar, effectivement. D'accord. Alors, on se lance dans une deuxième bulle de son avant d'entamer notre troisième partie d'émission avec nos invités, que je remercie encore bien chaleureusement d'être venus aujourd'hui pour nous parler de tout ça, parce que ça fait du bien de parler du bien-être. Moi, j'aime bien. Alors, on se lance avec Trio et puis l'hymne de nos campagnes et on se retrouve juste après. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas ici, tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, et il y a la mer, et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saigne? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! Nous sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo, dans la bulle, avec tous nos invités pour parler des journées bien-être grandeur nature qui auront lieu les 18 et 19 mai, voilà, à partir de 10h. Et surtout, eh bien, c'est complètement gratuit, donc plus d'excuses pour vous faire du bien. Voilà. Charlotte, on continue avec une soirée sur un petit peu particulière. Moi, j'en ai déjà entendu parler, mais je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi. C'est du home chanting. Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est. En soirée, donc, on a prévu donc, de faire un home chanting. Le rendez-vous donc, est à 19h45 et les inscriptions seront sur place. Ah, d'accord. On souhaite que les gens s'inscrivent pour la bonne raison que pour pratiquer le home chanting, qui est une configuration en rond, un grand cercle dans lequel on va trouver un autre cercle et dans lequel on va chanter des homes. Donc on sait bien que chanter un home, ne serait-ce que quand on en chante trois, on sent que c'est très vibrant. Oui. Et imaginez-vous donc là, avec 100 personnes, peut-être 150, c'est pour ça que les inscriptions sont importantes, on va faire un bain de vibratoire qui va à la fois harmoniser donc, le corps, le mental et l'esprit. Et cette bulle, on va dire, vibratoire, rayonne cette fréquence d'amour sur toute la planète. Bien sûr, les protagonistes sont les premiers à en bénéficier. On le sent dans tout le corps. C'est vraiment vivifiant. Et c'est quelque chose qui continue dans les heures et les jours à venir. À être agissant. Hein. Ah oui. Donc du coup, voilà, c'est un superbe rendez-vous. Et en plus de ça, ça sera la pleine lune. Donc traditionnellement, le home chanting qui n'a pas d'appartenance à aucune religion, c'est vraiment indépendant de croyances, ethnies, ça appartient à l'humanité. C'est un truc à expérimenter, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est vrai. C'est l'expérience à vivre. C'est très très chouette. C'est une vraie communion avec une soi, vraie communion les avec les autres, oui. Et avec soi-même, effectivement. Oui. Et avec l'univers. Et avec l'univers. Oui, découvrir comment on est reliés tous. Oui. Et au-delà de ça, c'est des vibrations à l'intérieur de nos cellules. Donc, on est complètement dans une optique de se faire encore du bien et de libérer les énergies intérieures et de se nettoyer, en fait, de nos stress et de nos traumas, effectivement, on repart en volant, au cœur de la cellule. On va repartir en volant complètement léger et débarrassé de tous nos poids. Oui, on peut voir ça comme ça. Oui, absolument, c'est l'idée. Je veux dire, c'est notre objectif commun, tous les praticiens, les thérapeutes qui sont là. Ce qui est génial, c'est que quand on se rencontre, on voit bien qu'on pratique des techniques différentes, mais au final, on fait tous la même chose. Et oui. On se libère de tous nos carcans, de toutes les croyances qu'on peut avoir, tous les schémas répétitifs et limitatif. Voilà, tout ça, ça va s'envoler. Voilà, donc on va repartir léger. Et encore une fois, en sachant que le bien qu'on se fait à soi-même a une répercussion sur notre entourage et notre environnement. Et tout à fait. Donc mieux on est, mieux on se sent, et mieux les autres autour de nous vibrent aussi en harmonie. Et puis on amène plein de belles choses quand c'est comme ça. Cette soirée home chanting, ça se fait avant ou après le repas que l'on pourra réserver ? Alors, le repas qu'on va réserver, c'est pour le midi. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est vous avez une proposition de deux repas, en fait. Hein. D'accord. Il y a le repas terroir et le repas bien-être, au tarif de 10 euros. Oui. Bien sûr, il faut le réserver. Donc, le numéro sur lequel vous allez pouvoir faire vos réservations, c'est le 06 82 27 45 02. Nous remettrons ce numéro de téléphone en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui, bien entendu. Retenez bien ce numéro, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent et du coup qui se sentent dans cette même fibre, cet état d'esprit là qu'on propose, c'est de pouvoir aussi passer un coup de fil. Il y a encore de la place, vous pouvez venir nous rejoindre si vous avez aussi des petites choses à partager. Si vous voulez intervenir au sein des journées, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Ah bah on lance l'appel, voilà, si vous avez des choses à nous faire découvrir pour faire naître en nous le bien-être, et vous serez les bienvenus. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est vraiment une belle rencontre qu'on propose là. On est persuadé que de cette rencontre va naître quelque chose d'encore plus bien grand, sûr. Encore plus beau. Et tu aimerais bien aussi que cette initiative soit reprise par d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent créer aussi chez eux des journées bien-être comme celles que vous allez tous nous proposer. Oui, tout à fait. On espère inspirer aussi pour que des journées du bien-être fleurissent Mais oui. dans tous les villages tout autour, dans tout le territoire. Mais oui, ce serait super. Est-ce qu'on a encore d'autres choses à dire sur nos journées bien-être, grandeur, nature ? Venez nous rencontrer. Je crois que ce sera la meilleure chose à faire, effectivement, parce qu'on peut en parler pendant des heures. Le but de l'émission, c'est quand même de donner le goût aux gens et l'envie de venir nous voir. Et on peut leur garantir que ce sera 100% sans déception. Sans déception et très, très profitable pour chacun, effectivement. Autant pour eux que pour nous, effectivement. Quand on reçoit les gens, c'est tout le temps avec beaucoup de plaisir. Oui. Parce que l'échange se fait dans les deux sens. Et ce que nous, on apporte, on le reçoit aussi des gens qui viennent nous rencontrer et discuter avec nous. Ça, c'est vraiment commun à tous. Votre amour du partage, ça fait du bien de pouvoir partager, échanger avec d'autres personnes sur cette voie du bien-être. C'est essentiel. Non, je veux dire, voilà, garder tout pour soi, je n'ai aucun intérêt. Quoi. Je veux dire, oui. Voilà, moi, le plaisir, moi, perso, c'est de partager humblement le peu de savoir que j'ai pour que les gens puissent s'en servir peut-être ou pas. Mm-hmm. En tout cas, et transmettre un petit peu autre chose. C'est ça. Voilà, venez juste découvrir les voies, parce que rien que le site paraît anodin, comme ça. J'y suis allé, j'ai passé une journée avec Charlotte, j'y ai vu, il y a peut-être un microclimat, j'y ai vu dans une propriété des bananiers. Ah oui ? D'accord. Il y a des bananiers, voilà. Il y a quelque chose de magique dans ce lieu. Il y a de la sylvo, effectivement, il y a des grands arbres gigantesques, etc. Il y a de la pierre, il y a de l'eau, il y a la vie. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre là. Et je pense que c'est l'occasion de venir voir autre chose ce week-end-là. Oui, c'est vrai. De voir autre chose, de sortir de chez soi et d'aller à la rencontre de l'autre. Et à la rencontre d'un autre site. C'est vrai. Parce que je ne suis pas sûr que les gens ont l'habitude d'aller à Les Voivres. Eh bien non. Ils ne connaissent même pas. Moi, je vous dis, venez, vous serez bluffés. Ça ne paye pas de mine, mais une fois qu'on y est, on est complètement ailleurs. Hein. C'est vrai que c'est incroyable. Vous connaissez tous le site de Les Voivres ? Non. Sylvie, tu n'as jamais été. Mais tu ne vas pas être déçue. Tu as pas décidé. Mais ça va se faire cette semaine, hein, puisque on va faire le repérage pour la sophro-balade. Il fait toujours beau là-bas, on a l'impression, hein, parce que le cadre est tellement magnifique qu'en fait, on s'émerveille à n'importe quelle saison. C'est vrai que c'est vraiment un état naturel complet, c'est magnifique. Et ce n'est pas Julien qui va me contredire. Ah non, bien au contraire. Eh ben c'est super. Pour plus de détails, parce que là, c'est sûr, certains, on a oublié plein de choses, il y en a tellement. Du coup, vous pouvez aller voir le programme complet qui, d'ici quelques jours, mais il y a déjà pas mal d'informations sur notre site Facebook. D'accord. Donc, le site, c'est L'âme agit d'être soi. On remettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui, le numéro de téléphone pour réserver son repas ou pour tout autre renseignement. Hein, si vous êtes un intervenant qui avait envie de vous joindre à l'aventure, eh bien, vous serez les bienvenus à ce numéro pour plus de détails. Et merci en tout cas à tous les cinq d'être venus aujourd'hui pour partager. Merci de nous avoir accueillis. Merci. C'est toujours avec plaisir. Et puis surtout, un très très bon moment au sein de ces journées bien-être grandeur nature. Donc on s'y retrouvera forcément. Merci à tous. Merci. Et puis à très très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Underrated. Great sound. Later.